xibaar boo xam ne léeg-léeg mu laaj chauffeur bi mu xellil ko dara mu nooy lool mu dem daanaka du rang sax fa muy jaar aéroport fi muy duggee dem ci avion bi première classe ñu tegal ko lépp lii léeg-léeg sax mu am benn genre piscine bu ndaw ci biir nga ne comme que waa ji noonu la demee kon kii moom du wàññi même bu dee Japon la jëm xam nga kooku moom benn coono danu ko ci yëf yi daanaka nekk nga fii nit nekk na ci biir réew mi dëkk bi gin koo sonn way te ñooñu du man rek ñu bari lañ mais kenn lu ne comme que waa ji coono googu nag moom amu ko kon koog du wàññi déedéet koog duñ wax loolu ndax même bu dee aaya bi loolu in xiftum an yaftinakumul ladina kafaru moo tax Seyna Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu laajoon ko yonente bi alayhi salatu wasalam ne mais léegi ñun ñu ngi ci ñu ngi ampé amatuñ ndax dane man ngeen am ngeen possibilité du problème ci ngeen wàññi julli bu dee ne da ngeen a ragal ñi yéeféri daal di leen menacer ak di leen fitnaal mooy di leen waajal ndax gars yi buñ mësoon a dem ci seen kii seen tukki mais yéeféri dañ doon ka buñ xamee ne jullit ñee fay jaar dañ leen doon ka surtout bu ñuy julli ñu ne am nañ possibilité nag daal di leen faagaagal alxuraan ne nag ne bu dee ne yéen di tukki ngeen ragal loolu man ngeen a wàññi Seyna Omar ibn al-Khattab bi ñu ubbee radiallahu anhu bi ñu ubbee daanaka ay Makka dëkk yu bari mu ñëw ne yonente bi alayhi salatu wasalam mais ñun léegi nekkatuñ ci période d'insécurité boobu est ce que man nañoo continuer di wàññi mu ne waaw ab sarax la bu leen yàlla jox nangu leen kado bi mu leen jox kon loolu fa lañuy xamee ne même bu dee ne sabab bi fii mooy illa bi boobu cause bi mooy moo tax ñu ne madinatul machaqa loo xam ne dañuy jàpp njort que ne coono man na faa jóge mooy loolu da nga koy comprendre lien bi am entre ñu wàññil nit ki julli ak voyage bi lu mel noonu lañ naan lii nag lii bu boobaa lii dañ koy woowe illa alors que bu dee sabab pour nga mën a jël ne lii moo tax explication wu entre lien bi am entre acte bi ak sabab bi ñu teg loolu mooy jafee trouver te am xel pour nga xalaat ba trouver ko loolu doo ko trouver noonu heure bi ñuy julligee lan moo tax fekk jotul rek duñ julligee pourquoi te lëndëm na quand même mooy ne am xel kese toog di xalaat di jéem a xalaat ak a cogité tout kese loolu du la may nga xam lan moo tax loolu du la may lu tax nga xam lan moo tax alors que buñ la nee boo woore booy tukki man ngaa bañ a woor bu distance boo xam ne booy wàññee man nga bañ a woor loolu da ngay gis lien bi am entre coono gi ci waa ji mën a am ñu teggil ko ngir teggil ko loolu ñu wàññil ko ne ko man nga bañ a woor loolu mooy illa léegi li nga xam ne moo ci tegu woon moo doon almasaqatu tajlibu taysir waxoon nañ ko léegi léegi alxukmu lil xaalibi wa nnaadiru laa xukma la mooy ne charien bi du ne portion wu lépp lu xew lu ne wala lu ne rek da koy utal atte mooy atte yi ci lu général la koy joxe ci lu général la koy joxe léegi nag dafa am yoo xam ne exception la exception yooyu mënoo ñëw ne man am naa exception kon nag gars yi utal leen ma atte mooy yooyu yu bari charien du ko utal du am atte soit mu nekk atte boo xam ne bu particulière la ci moom boo xam ne bu ñuy recherche gi feneen wala mu nekk atte boo xamante ne nii comme que noonu la demee mooy ne kon duñ ci bàyyi xel mooy cas boobu du tax ñu defaraat loi bi ne léegi nañ leen tëggaat loi bi parce que xam nga boo gisee gars yi léegi mooy boo pour lu gën a suñu exemple li ñuy dund léegi mooy lu xew lu nekk rek am na gouvernement yoo xam ne ñoom à chaud la ñuy réagir il suffit dara xew ñu dóorub loi leneen xew ñu dóorub loi te boo seetloo am na loi boo xam ne kat yàggoon na ci constitution boo xam ne ëmboon na loolu mais comme que gars yi ñoom pour wan gars yi ne ñu ngi def ndax loolu tamit lu am solo la bis bu population bi jàppee ne yow ab passif nga yëf yi day xew rek nga toog mooy pour ngay réagir à chaud nag ngay defi loi mooy loolu charien nag du doxale noonu du ne cas bu tëb rek ñu ne waa ji moy ne loi yi ci façon générale lay daw mais pas ci yo xamanteni ay cas exceptionnel la ay cas exceptionnel la légui nak bi ci tegg won moy li jëm ci mantouk bi mantouk bi moy lo xamne dañ koy wax mu leer mom lañ doon wax sank dafa am luñ nane mantouk am mafhum mantouk moy comme lima waxone seigne bi jogal seigne bi yit jogal lolou leer moy dama ne sayyidna harun mu jog lolou la wax kanta bu mako waxe moy ki ci wetam mom da wara tok moy waxumako mu jog lolou yow ya ko ci degge lolou ya ko ci degge mais man waxuma lolou buma ne ku jog dina ko teral lolou mom lañu degge ci wax ji mu leer kanta ku beggul ma teral ko mom du jog yaw lol ya ko ci deg mais man waxuma lol man waxuma fi ba legi ni deggo fenn ma wax ko mais lolou ya ko degge ci wax ji lolou lañ nane mafhum mantouk nak dafa am mantoukun sarih moy comme bima wax sank mu leer lo xamne dafa leer nañ buma ko waxe day leer amul moy li nga xamne xel yi mom lay jëk ka dem ta tamit moy formulation phrase bi momay wone li la ci djog mu am bo xamne nak dessena leer xam nga ci exam yi ñu joxe won alquran ne wa ahallallahu albay'a wa harrama arriba bur yalla de mom mo daganal am jaay haramal li nga xamne moy riba lolu wax ji lan la wax moy bur yalla haramal na njaay kon dafa haram riba non dafa dagan riba dafa haram lolou la wax mu leer legui man tu khairu sarih bi lima ci limuy genné te ci bir wax ji lay nek day lepp day moy day takalok wax ji ta manumako ci détacher même boudé né dou lolou la xel yi ñëk ka dem moy né automatiquement dama xamné kon am njaay ak riba ak usure bokku ñu amna différence mais est-ce que suñu borom dañ amna différence waxul na amna différence dané dama daganalum njay haramal li nga xamné moy riba mais wax joju non ci bopam mo lamb kené mais amna différence entre deux yoyu même bou déné man nga dé mais où est la différence waji day jaay kay day jaay di am num ci tek ngir lo xamné mom bénéfice am lay doon waji riba yit non lay def han waji nga xamné dama lay lebal ki 100 nela bomay deloma 100,1 wala 100 plus nangam mais xam nga nit man nga ne mo mais ki da am num ci tek rek ki am num ci tek mais wouté na motax biñu nan am innamal bay'u mithlur riba kene am njaay dal njaay ak riba ñoyam suñu borom xamal len ne lolu yemuñu moy ne man wax ji dafa leer haramal na li nga xamne moy daganal nam njaay haramal riba legi nak man ci wax jo ci lay xamne kon ñaar yo yemu legi nak mantuq ghayru sarih dafa am moy ci dilalat yi moy tek yi nga xamne moy day lambo ak mom diko tek tele dañ ci gisoon ñetti façon muy dilala bo xamne dilala moy lo xamne day tektal bo xamantene bil iqtida am bo xamne ima la dilalatul iqtida ak dilalatul ima wala tanbih ak dilala bo xamne bob ishara la dilalatul iqtida moy bobu moy kené wax ji may moy expression bi xam nga man tuk moy wax nañ la sank moy expression bima wax mu leer moy né wax joju dilalatul iqtida moy né damay wax ji dafa nek lo xamantene pour wax ji nek lo xamné moy il faut tax buma né pour faisabilité bi buma né défal par exemple pour ma xamné lolou moy wax joju man na nek ak faisabilité bi man na nek moy ak wëru wax ak nekku deugum dilalatu iqtida moy ne affaire bi day lambok wax ci sama wax gi lay joge moy ci man tukun ghayru sarih lañ nena waxu ñu moy biñu exemple bima joxe sank ci entre ñënd ak njaay ñënd ak riba am njaay ko riba legi dilalatu iqtida bi moy mbir la bo xamne tektal la bo xamne mana bi wax gi day indi mana bo xamne wax gi day takok mom mais ba pare ci moy mana bo di genn ci wax gi day wonene moy boudé day woné deuguk wax gi moy day wonene moy lo xamné faisabilité wax gi da mana nek ak ak wëreum ci lo xamné sharia da koy nangou wala am xel wala aada lool par exemple bi nga xamné comme ci aada ci aada li mbokk Seyna Youssouf ya lay Moussa Sam wax mune len biñ ñëwé Égypte bañ japp sen frère bi alay Moussa wa salam mune len fekk bon ñu négocier ba sonu ak Seyna Youssouf alay salam mais xamuñ né won né mom la sen frère bi ndeké mom muju nek bour fi ta xamuñu mom mu fexé ba récupérer frère am moy sen ben ki ci ginnone nek ki ci ginnone soufé ci ayat légui ñom ñu dal di laqou fé di pétro ngir waxtaan xol nan lañuy def sen mag gi nenem irjuhu ila abikum faqulu lahu inna ibnaka sara wama shahidna illa bima alimna wama kunna lil ghaibi shahidin légui واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها واننا لصادقون كي ساسه القران ني بن كي ساسه سين باي نلن بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل بام جيه موي ني داني سيدنا نيوم دانيو بيني وقتان سين ماغي دالين ني man mom xam ngeen ne manuma ñibé non ndax dañu wax mo ne len mom du ko bayyi mais comme que légui il faut ñu ñibbi mo ne yeen dal bu ngeen démé déllu len ci seen bay ngeen ne innab naka sa dom ji de saraka dafa sacc li tax manula and ak yeen dafa sacc ñu japp té ñun nak duñu sédé lu liñu xam liñu gis dal moy ne daño and dem fofu di ñibbi ñu dab ñu né da am lo xamné ñom dañ ko gisatuñu ko ci seen marchandise seen bagage ñu ñew fekk ko mom ci sagam kon nak dem leen ngeen nako seen dom ji dafa sacc sa dom ji dafa sacc ñun sédé mënu ñoo sédé luddul li ñu gis té ñun kumpa moy li nga xamné kumpa ñun du lolu ñun xamuñu kumpa ñun li ñu xam dal lañu wax ba paré mu ne leen ngeen tégal ko ci nako laajal dëkk bo ak ndëgg mañu néwa que ne ñun wax nañ deug ci sase moy xam nga lool après ci lool la len dem len ngeen wax seen bay li alquran ne seen bay ne len ci sase seen bay ne len bal sawalat lakum anfusukum amran seen bakkan de mo len rafetalal ben mbir mu ngeen tek moy ne loolu am xel mo lan la est ce que da ko wax feulé rek ca sasé ca minute ba ca téggu seconde ba ca téggu rek seen bay tontu moy lol tim xel am ngir wax jodi non mana nek lolou aada mo nan la non moy ne gaay dem nañu traverser fi ba feulé wala wax ak seen bay mu dooral tontu li lol moy pour wax jodi meuna djuk ci aada moy il faut lolou am comme bim ne Seyna Moussa alayhi salam dooral sa yatt ci geej gi rek neena daf ko ko digal rek ay geejgi yoon wi daldi xalle lolu moy ne aada mo nan la non door nako quand même duna yalla dina ko dooral rek mu door rek bok geejgi ni moy lol ci côté aada mo nan la même boudé wax ci li la dafa am lo xamné mud marala dafa laqat ci ginnaw lo xamné fam nga dégé ko ci ngir wax ji meuna wër légui mu am lo xamné dilalatul iqtida bo xam lool moy ci walu aada mu am bo xamne ci walu ki la ci walum xel la am xelalan la non affaire bi amna lu manki ci wax ji pour ngir wax ji meuna wer ngir wax ji meuna wër am xel mo nan la no am am lu ci manki am na lu ci manki lo xamne il faut mu am ci wax ji dawa lol exemple ah bu ki ne ah lo xamne am xel du ko da nan la no li dafa am bu ne comme liñ joxe sank buñ ne fas alil qaryata lajal dekk bu moy am xelal am no ab dekk mom ken duko laaj mur yi ñoy taxaw ñukoy laaj fas alil qaryata lolu amna lu nak ci ginnaw moy demandel ñan wa dekk ba ahlul qarya mu ngi melni buñ ne tay piong yong defi la ki international la communauté internationale parce que devant lancer des missiles intercontinentales est-ce que piong yong ci bopam moy defi nit ñi capitale corée du nord ci bopam capitale bi moy defi nit lool am xelalan la non lool moy jitu Kim Jong Il xaw mom legi yow boone Washington est en colère est-ce que Washington ci bopam pas président Washington mais dekk bi rew mi moy capitale bi Washington ci bopam mur maison blanche ci bopam nimu wéxé non mom mo mer moy am xélalan la non moy Trump quoi lool am xélal la koy wax moy né loolu pour wax ji djub ndax moy loolu moy boko la ré jappé non du wax moy il faut mu nek lo xamné am xél da koy day nangou né li ci xél ni lay doxé ci légui mo am benen façon moy lo xamné ci walu sharia moy comme man buma né buma né marombo la nga yor sa auto bi mané la saraxel ma sa auto bi sa auto bobu non la bëgg nga saraxel mo moy né lolu xam nga ci sharia wax joju wëru moy ci walu sharia lolu wëru ndax manuma ñew alalu jambo ndax dafa bokku ci lo xamne man luma mëna saraxela mam mom ko man wala ñu délégué mané ma saraxel ma manuma fekk nak alalu jambour nan ko yow saraxel ma sa alal ji moy lañ fay déggé moy né kon man dama koy jënd ci mom bam leen mako jënd ba paré mom mu saraxel mako ci sama tour nonu la wax ji mëna jubé sino la tabi'ma laysan tak bul jaay lo mom moy pour moy yu mel non moy wax yoy pour mu wër ci sharia moy il faut da am lo xamné wax ji ci bopam leeru mais dafa neubut mo am bo xamné ngir wax ji leer kessé la li la lutu da bo ngir wax ji meuna wër kessé la comme bu alkhor bu yarantima lay sar samné ki moy amul julli ci ko xamantene ni du jangu faté wala tere gi nga xamné moy waajo xamné la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab mais de toute façon lolu moy est ce que possibilité nit di julli sa jang ko amul nit manu la taxaw di julli sa lo dañ nan la si mais moy pour lolu wer pour wax joju wer moy ne moy lan ken moy affaire bi du ma kon moy ci walu fuñ newon werr voilà moy dila côté bobu moy né lolu pour mu werr affaire bobu comme buñ né yonentou mari sar samné yëgeutil nañ sama xéet ak ñoomté ak ak faté ak lo xam dañ leen ci forcer légui lolu moy buñ jappé wax ju non man tuk bi ci kaw nonu kessé moy mais est ce que lolou kon day tekki ne kon xetu yonentima lay sa sam ken du ci djoum wala ken du ci faté wala duñu forcer ken ci ñom lolou lañ leen yëkëtil moy budé lolou dañuy xamné moy wax ji du lolou la du lolou ndax dañuy gis ñaata nit lañuy gis ñuy faté ñaata nit lañuy gis ci xetu yonentima lay sa sam ñuy djoum ñaata gis lañuy gis ay nit ñuy forcer ci lo xamné dañ koy def ta du leen neex kon moy nak pour wax ji mëna djoub moy kon conséquence bakkar bo xamné dafa warona manon na galu ci le fait que ñu faté ko lañu faté la waron ci ñom ñu faté ko def bakkar bobu lañ leen di téggil lool moy tax wax joju mëna juk lool motax wa jo xamné par exemple ko xamné dafa julli dafa jot mu tok fi nelawul mais mu faté ko complètement ba waxtu wessu xam nga lool day am wala nit kuy nelaw ba waxtu wessu lool dañuy gis na li dafa am kon nak loolu manula tekki ne kon comme que lool amna kon téggil nañ ko julli ji légui jeex non moy ne comme que dako waron mu waron ko def defuko ci waxtu nga xamné amana bakkar manon nako ci dal moy bakkar bobu lañu ko téggil lolou moy tax mir mi wet légui lolou mo jëm ci dilalatul iqtida voilà kon légui mu dess légui dilalatul iman bi nga xamné moy at-tanbih tektal bi nga xamné bobu moy waji aji wax ji da ciy djublu wax ji ci bopam moy da ciy djublu sens bobu mana bi da ko ci mom biñ djugé sang moy né sens bobu da ko ci djublu wayé du lo xamné boko xolé première vue ngoy xam ngay xamné li la légui bene moy al iman bi tanbih bi moy né mom sauf que waji da ko ci djublu ci wax ji muy nek wax jo xamné sens bi day takalo wax ji ci bopam aji wax ji djublu ko ci wayé nit ki wax joju nonu man na moy li nga xamantene pour nak wax ji djub fini nekul ne il faut pour mu djub mu jaar ci mu nek lo xamne day wër ci walu aada day wër ci walu aada wala am xel wala sharia mom bokul ak mom lool la wuté bi ci kaw par exemple yenn yi nga xamne sharia da koy téré par exemple bu yonentima lay sar samné aji waji nga xamné moy atté da téré mu atté fekk mu mer juge bi muné la yaqdi al qadi wa huwa ghadban juge bi bu mu atté moy ne waji bu mu atté fekk mom bi mi atté dafa mer moy ne gis nga cause bi ñi jël moy ne bo xamé dila moy tektal bi sens bi nga xamné moy sens dilalatul iman moy li nga xamné dakoy tanbih dalay yé di attirer sa attention lool nak boko xamé loolu nonu day mëna nek cause bo xamné da nga nan li amana motax doy am lien bu réel ak acte bi li tax mu ñew xam nga fi bu né acte kat bi mu acte fekk dafa mer yaw man nga né mais kon cause raison wu li tax mu téré lool moy lan moy mer gi pourtant waxul lool dé néwul né man cause bi tax non mais dané ni acte kat bi bu mu acte fekk ci kaw dafa mer légi man buma xamé légi man len dilalatul iman bi buma ko xamé moy lo xamné moy dafa takalo sens bi dafa takalo wax ta tamit buma ko xamé il suffit ma détecter ko damay man né ah kon li moy cause bi tax atté bi wacc moy né ah kon képp ko xamné ab juge la kon daño téré muy atté fekk dafa mer kon mer gi motax yonentima lay sa sam téré lool lool moy exemple bob legui nak mu dess bu mujju bi moy dilalatul ishara dilala bob mom moy waji moy wax ji ci bopam waji djublu ko ci contrairement de yiñ joge moy aji wax ji djublu ci ben sens ci sens bobu djublu ko ci sauf que nak sens bobu day takalo ko wax ji mu wax de telle sorte que mom manu ko takale ak mom par exemple bu ta dañuy xamne wax ji ni day eumbu li nga xamne moy sans bima ci dégg même bou déne aji wax ji djublu wuko ci par exemple bu alcorane téré né bu né uhillat lakum laylatus siyamir rafathu ila nisaikum alcorane né yonnentou mala sah sam daldi ñuy jotelit que né suñu borom mo len daganal moy guddigu moy wéru koor bu guddigi duggé borom ñi am soxna mëna jondjok seeni soxna waye mu né koor gi légi moy né man légi xam nga lolou moy leum fay wax moy né li dagan na mais man ci kaw wax jodu ci lay comprendre lan dafa am mantouk bo xamné déssé na lèr moy né ci lay xamé né que né man kon nit man na wor fekk bi mi débuter koor gi dafa am janaba moy atté bob man nguko jëlé ci ay bob té pourtant ay bi lolou lolou la doon wax mais légui lolou nan nga koy xamé moy da fay laaj nga xalaat touti ndax ay bi dañé daganal na lém guddi gi ngén di doon jox séni gi moy séni soxna yi moy guddik wéru koor moy bu timis gu duggé ba ni fajar gay xar légui comme ko lolou la daganal té ci intervalle bobu la moy kon dañuy xamné mais nit ki fek fajar jotul lol man na né légui bu fajar joté lol jeex kon kay moy nit ki man na am janaba ci sase fajar jot mu commencé bi mi débuter koor gi mom dafa lan dafa amone janaba que ne kon am janaba ak koor opposé wuñu moy né nit du né non man dama am janaba kon jarul may wo ndax bu doon né kon dafa opposé kon doon na tek ben barrière bu sori né par exemple 1 heure de temps avant fajar gi na ngeen fa arrêté mais comme que dañe mirmita frontière bi moy lolu la moy ne kon ci lay xamé né ah ndaka man kon mirmi kon moy nit man na débuter koor gi fekk mu am janaba lolu yakul kooram lol ishara la lo xamné moy non nga koy xamé comme moy la par exemple ni ñi xamé né nit duure bi gina touti buñ ko mëna ëmbé lo tam ay ay alcorane la yo xamné bi mi wax lolou non bi ñaari aya yoy liñ doon wax djublu wuñ ci won lolou sauf que par deduction bo bolé ñaari aya yoy nga xamné dañé nit ki wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra mune nit ki fiñ ko fi ko yaayam di ëmbé ak fi nga xamné ci la koy féralé 30 mois la 30 mois la xam nga lol moy da ron lol la ron régler aya bob lol la ron régler diko wané mu am benen ayene wal walidatu yurdina awladuhunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma radan mune ñi nga xamne ñoy wajuru jigeni moy mama yi mère yi man nañu nampal sen domi ñaari at yu mat seuk pour kep ko xamne da nga nam matal li nga xamne moy ak nampal ñaari at moy ñaata mois 24 mois légi aye beulé mune won lan 30 mois ci la koy lan hamluhu wa fisaluhu ummugi banimi waji ndaw si ki bi nu muy tuddu diko féralé 30 mois yow boudé né da nga jël 24 mois nga wax sa ci walu nampal muy ñaari at boko moyé ak 30 bi luy dess 6 mois kon ci la xamé né kon néké kon nit li gëna tout luñ ko mëna bi moy 6 mois té pourtant ñaari ay yoy waxuñ won lolu comme niko ñom Seyna Abdoulaye Ibn Abbas déduré won génné won atté yoy radiyallahu anhuma moy né moy parce que li ni lañ xamoon moy ñom do won di tok nan diralatul iman yoy non lolu moy ñom non lañu maggé non lañu dundé non lañu niñu yaro won la moy né ñom moy ñu liñuy jang diko defi règle ñom lool c'était naturel da ngay du mel non légui nak comme que affaire bi démétul non naturelatul motax il faut ñu tek règle yi tek ay ki ay téré am ay professeur yo xamné dañ ko wara jangalé ñukoy téyé sino affaire bi day rëcc moy né mom loolu liñu tok ni di wax di ci guddal mom loolu dañ ko xam nak da ko xam naturellement que né li la de toute façon moy kon ndaw so xamné dal dañ koy tuumal nan ye ki nak mom neena amna dom de affaire am bi newna de mom kagn lañ ko fi maye kagn la fi am dom way mu xol ne mais c'est possible c'est possible kok jar du c'est possible nak wessu na 6 mois 6 mois la yem alcorane bo jele alcorane ay biñ jëk ko ak bi suñu borom neena lepp 30 mois la té neena nampal gi 24 mois la kon 2 ans la muy 24 li ñen wax nonu boko moyen ak 30 6 mois ci dess kon kay ndaw sey ngi ci kuluy bayi len ko mu dem ñu bab kon lool moy suñu ki bi légui nak bi nga xamné mo ci mujjoon muy lafdul al musharak ah lafdul musharak moy dafa expression la bo xamné ben day nek ben mot wala ben man na nek verbe man na nek sax lo xamné ab harf la lo xamné moy mom day am sens yu bari ndax suñu hadith bi ni bi xam nga maliki rahmatullah alayhim ak hanafiya yi gis nañ ne ñoom dañ néwon no yu rashu du da ngay wiss non kesse mais moy raxas la bo xamné du melni raxas bu woyof wala ndax lan mo rasha day tekki ci arab raxas bu woyof day tekki wo raxas bu woyof lolu moy légui nak ñi ci dess jappé wuñ ko won non ñoom dañ japp ne fo nga def sa teunk ndox dal def ko bam fess nga soppi ko ci non légi lolou lu indi moy parce que lafdun mushtarak la mu loro tax affaire bi moy dafa nek mot bo xamne dafa bari ay sens comme que nak non la demé lolou par exemple motax ci usul ñukoy soxla affaire bu mel non lolou nak day xew ci comme mot yi comme niñ amé wayu rashu fi ar rashu bo ci verbe yi comme bu né wallayli idha asas wallayli idha asas asas asas lay tek ñaari mbir yo xamne dafa opposé wu moy asas day tek ci ne bu guddigi di axe di deggmal di axe di dugus mais day tek ci bu dugis bu guddigi di genn legi ana ban la ci motax da ngay gis mufassiru ne dañ nan aqbala wa adbara ñen ñi dañ nan moy wallahi idha asas ñu ne idha aqbala wa adbara ndax ñaar yep lay yenn moy yu mel lool lafdun mushtarak mo am yo xamantene lool du nek verbe xam nga li verbe lañ wax sank rash bi verbe la asas lool verbe la mo am yo xamne ay mot la comme mot qur moy li alquran ne ñi nga xamne dañ neena fasé nañuy xaar lan idda bi nañ xaar 3 quru yoyu alquru ci arab day teki mbeur mais day tek ak la lool motax ci bir fuqaha wi mu am ñu am rahmatullah alayhi wouté est ce que affaire bi lan la ci tek ñi ne moy ñetti lab la ñi ne ñetti mbeureug la ndax lan lafdhul mushtarak moko ni mu am ci yo xamne ci xaraf yi day ñew ci day am tamit ci xaraf yi comme min nga xamne min mom mas nañ ko fi gis sax ci usul yi fi nga xamne da fay bari lu muy tek day bari lu muy tek par exemple min bo xamne day tek ne partitif lo partitif moy lo xamne day wone ne li ben parti la ci mbir mi amna yeneen min ñu gisoon yo xamne day wone destination ki top départ fimay joge voilà fimay joge comme buma ne jittu min bayti ila huna sama keur la joge ñew fi moy min bobu limi tek moy la moy fama joge lay tek waye buma ne akhadtu min al mali kada wa kada jeulna ci alal gi li wak li lolu moy ci alal gi moy lolu c'est partitif moy da am luma ci jeul moy par exemple yoyu nonu dafa bokku ci nga xamne moy lafdhul mushtarak motax bu boba moy pour nga ne li ni waji ni mom li ni lay tek bi mo note lol il faut nga am benen dalil fenen buy leral que ne li la sens bi lañ ci djublu sinon moy ku nek ci borom xam xam rahmatullah alayhi day manam laye lim wax fek ci langue dafa nangulol legui benen bi nga xamne mo ci mujjon ci masala yi modon al khabar wal insha khabar comme li wolof ni nan khabar mais khabar moy lo xamne information al insha moy lo xamne moy contraire bi legui moy xabar moy bu mané mu ngi taw wala mu ngi naaj wala dafa sedd dafa tang lool information la joxe xabar moy lepp lo xamné man nit ki man nga ko wax nit né la wax nga deug wala waxo deug moy lepp lo xamné man nga ci poser question wu est ce que saway lim wax deug la deug lool moy xabar voilà lool moy xabar modou aksina est ce que man na ci wax lool deug la deug si kon lool xabar boul sané dawal ni moy lool moy xabar lool moy xabar saway dem na Sénégal lool man na wax est ce que deug la deug lool moy xabar insha nak lool amu ci insha moy mbir mo xamanteni ni lool amu ci moy ni nit ki manoko ne wax na deugum den buma ñewé di laccé est ce que demone nga magal nga mano ma ne waxo deug ab laccam bu ci wax mo lu waxo deug moy lool man da nek ak ku yému it manuñ ko ne wax na deugum waxo deug ci way jëlé lolu mano ci ne waxo deug way ku yému manoko waxo deug lool moy exemple inshallah légi nak fi ci suñu hadith bi yaronte mari sa sam dané yughsalu min bawlil jariya wa yurashu min bawlil ghulam waye bokku na ci insha moy comme buñ diglé defal mano ci waxit nit ki wax nga deug mo waxo deug doma demal marché ba mano ne ko waxo deug dé moy lool dañ nan waji xana da comprendre lim wax dog len dulli waxo deug amu ci lool parce que lool ay digle la fi it yaronte mari sa sallam dane yursalu min bawlil jariya wa yurashu min bawlil ghulam moy ne lool par exemple moy khabar mais day nek ko xamanteni ni moy budé waxu sharia la lool moy lool manou te am moy sharia bu ne ni la moy nonu la lool moy ne amul ñu nan par exemple histoire yi mi netali ci yaronte ari musa sa nit manou do xaw nan ndax lool deug la am deug ndax bur yalla mo koy netali nit manou taxaw nan est ce que lool deug la wala du deug wala est ce que du lo xamne dañ ko dako netali non rek ngir yewenal mbiru nit ni comme ne ko ñen jahala yi di wax ñuna ay professeur lañ ñoo xamne dañuy xalaté non nan histoire yi alcorane di netali obligé wul que ne mbiri niñ ko netalé non la démé c'est pas obligé moy ne ñooñu moy parce que ñooñu xamuñu dara même te ñen ñi sax nenañu ñom ñoy wote wu ne julli lañ mais xam nga koy wax lolu sori nga nek julli ko xamne li alcorane di netali nga nan ay c'est possible que démé wul non quoi dañu am impression que ni fofu dafa am benen da xum non do de bu xala yi kessa wala kon lool la moy kené lool budé alcorane lool manou ci am ak hadith yonent waxu yonent ma lay sar sa lool manou ci am lék sax khabar bi day ëpp doole insha moy ñu digël la joxe information que ni lañuy def moy yursalu dañuy ragal dañuy raxas xam nga lool ak information la mais moy lool lan la ci djublu moy raxas len lek lool moy gina jattale sax ñu ne la def len lool moy li jëm ci al khabar wal insha inshallah taala lool mo doon dernier bi li ci dess moy bi di ñew xamna ci la affaire yi yam inshallah taala ci lañuy paré ndax li ci dess moy hadithu sayyidina asma ak bu sayyidina abu hurayra radiyallahu anhuma mo ci dess inshallah ta lolou seni masala yi bari wul won comme que da naka xawna ki motax bu ko defé ñu defale tarjuma lenn ci sahaba yi nga xamne radiyallahu anhu ñoo ñundil hadith yi inshallah taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Masyaallah.